28 degrés. Nostalgie Vallée d'Orbe, 101.8. Venez découvrir la nouvelle piste de danse du Dancing Retro Le Lucani. Dancing Retro Le Lucani, c'est rue de Saint-Pons à Bédarieux. Au 04 67 95 00 22. Tous les dimanches, t'es dansant avec orchestre ou DJ. Dimanche à 14h30, t'es dansant, entrée plus consommation à 12 euros, passe sanitaire obligatoire. Des pains réalisés sur place, des desserts gourmands et tout pour la pause déjeuner. Dans ma boulangerie Marie Blachère, je trouve toujours de quoi me régaler. En ce moment, un sandwich rosette cornichon plus une bouteille d'orangina ou d'oasis 50 centilitres acheté, un pulco 33 centilitres offert. Boulangerie Marie Blachère, le bon goût du savoir-faire. Pour votre santé, bougez plus. Samedi 11 septembre à Bédarieux, c'est la rentrée de la vie associative. Le forum des associations est le moment idéal pour choisir les activités de toute la famille. Les bénévoles et les éducateurs de plus de 80 associations vous accueillent dans un nouveau lieu au complexe sportif René Char, boulevard Jean Moulin, de 11h à 17h. Toute la journée, à côté des stands, des initiations, des démonstrations et spectacles seront proposés. Buvettes et restauration sur place. Le forum des associations de Bédarieux, c'est samedi 11 septembre de 11h à 17h au complexe sportif René Char. Passe sanitaire obligatoire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel de la ville, www.bedarieux.fr. Il te faut un mari et qui accepterait le premier singe venu coiffé d'un chapeau volant parce qu'il a de l'argent et qu'il va s'épouser. Le vendredi 10 septembre à 20h30 au théâtre municipal de Lamalou-les-Bains, retrouvez Fanny de Marcel Pagnol par la compagnie Baudraco. Jean-Claude Baudraco et ses comédiens authentiques méridionaux vous donnent rendez-vous pour le deuxième volet de la trilogie marseillaise. Chef-d'œuvre de Marcel Pagnol, un voyage sur le vieux port de Marseille des années 30. Si c'est pas une fille. Une fille ? Et qu'est-ce que tu vas chercher, espèce de porte-malheur ? Réservation et renseignements au 04 67 95 63 07 ou billetterie@mairielamalou.fr. Participez au célèbre pèlerinage des gardiens 2021 à Lourdes avec les autocars Ponce. Du vendredi 22 au lundi 25 octobre 2021, les autocars Ponce vous amènent à Lourdes pour un séjour tout inclus. Hôtel 3 étoiles, transport, pension complète et deux excursions sur place à partir de 289 euros par personne. Si vous habitez entre Bédarieux et Béziers, un point de ramassage vous sera proposé. Renseignements et inscriptions au 04 67 97 02 03 et sur www.autocar-ponce.fr. Et n'oubliez pas, nos excursions à la journée se poursuivent toute l'année. Nostalgie Vallée d'Orbe sur 101.8. Thierry Baldacchino sur Nostalgie Vallée d'Orbe. Il est 12h et quelques minutes, et 8 minutes exactement, c'est le mag, 12h, 16h, comme tous les jours de la semaine, et ce, du lundi au vendredi. Au sommaire, les rendez-vous habituels, hein, l'horoscope dans quelques petits instants, l'horoscope de ce 9 septembre, la météo de notre belle région, c'est pas vraiment encore terrible. Et puis la musique que vous aimez, et puis quelques conseils sur les sorties à droite, à gauche dans notre département, dans l'arrière-pays également. C'est vrai que c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée au boulot, et donc il y a moins d'animation, mais quand même, on se dirige doucement mais sûrement vers les animations hivernales, on va dire. La reprise des concerts en salle, on vous en reparlera. Et puis nous aurons Christophe Burt, lundi sur Nostalgie, Vallée d'Orbe. On vous parlera de théâtre également, avec théâtre à Lamalou-les-Bains ce week-end, ce vendredi, avec la troupe de Jean-Paul Baudraco, Jean-Claude, je ne sais pas pourquoi je l'appelle toujours Jean-Paul, Jean-Claude Baudraco, qui vous proposera Fanny de Marcel Pagnol ce vendredi au théâtre. Et Jean-Claude Baudraco sera sur notre antenne pour nous parler de cette mise en scène de Fanny à Lamalou-les-Bains. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Il est 12h10, voici l'horoscope de ce jeudi 9 septembre. L'horoscope du jour vous est présenté par Stanislas Delorme. Bonjour à tous, serez-vous le chouchou des astres? Aujourd'hui, on commence avec vous, Bélier. Eh bien, vous débuterez une conversation passionnante avec une personne qui a des idées efficaces pour vous aider à vous épanouir. Taureau, vous occuperez de votre apparence personnelle, vous vous inscrivez à un cours de gym ou vous irez courir ou marcher. Vous, Gémeaux, pour une fois, vous vous sentirez libéré des pressions familiales et des peines sentimentales, beaucoup plus tolérant et disposé au dialogue. Cancer, vous aurez du mal à suivre la cadence au travail et cela pourra causer quelques problèmes avec vos collègues. Tant pis, ne forcez pas. Vous, Lion, vous laisserez derrière vous les prétextes et les ondes négatives en vous concentrant sur le côté positif des choses. Vierge, vous envisagerez d'améliorer votre mode de vie, de réarranger d'anciennes relations et d'en trouver surtout de nouvelles. Balance, vous laisserez tomber les baisers d'hier parce que d'autres viendront, un nouvel amour apparaîtra et bien dans votre vie. Scorpion, votre caractère impulsif vous conduira à vous chamailler et vous aurez peu de patience avec ceux qui vous énerveront. Sagittaire, préparez-vous à ce qu'il y a de mieux. Vous vivez des moments merveilleux et vous recevrez la déclaration passionnée d'une personne qui vous plaît beaucoup. Capricorne, montagne russe émotionnelle, alternant les problèmes au travail et les joies sur le plan amical. Vous, Verseau, vous réussirez à déjouer tous les obstacles, même ceux qui semblaient infranchissables. Ce n'est pourtant pas une raison pour se fixer des objectifs encore plus élevés. Poisson, eh bien les choses ne se déclencheront pas aussi bien que d'habitude, peut-être à cause de votre réaction. Soyez plus raisonnable possible et réfléchissez avant d'agir. Excellente journée à tous et à demain. Vous êtes curieux de votre avenir? Certaines questions vous préoccupent? Travail, amour, finances? Ne restez pas dans le doute. Une équipe de voyants vous répond en direct au 08 92 23 00 07. 08 92 23 00 07. 40 centimes par minute.